pays de Caux comme sa poche. Je le connais un peu aussi, mais à nous deux, on devrait arriver à se retrouver, pas trop se perdre en route. Puis en plus, il y a sans doute le GPS sur votre ferron mobile. Ah bah oui, c'est une ferron mobile très moderne. Alors, nous allons partir de Bourville, évidemment, à Meaux de Bourville, à peu près 300 habitants. Vous avez compris que c'était le village natal d'Eugénie, de la mère du petit André Rimbourg. Il y est arrivé donc comme orphelin à 4 ans. Alors, il faut l'imaginer enfant de cœur pendant plusieurs années, là, jusqu'à l'âge de 7 ans. Il a fait ses études dans l'école qui est juste en face de l'église. D'ailleurs, tout près, la municipalité a érigé une fresque à la mémoire de Bourville. Et si vous voulez voir la maison où il a habité, il faut monter sur le plateau au hameau de Tonneville. C'est là exactement que se trouve la maison de Bourville. Alors, je vous propose d'écouter notre Bourville, d'écouter André Rimbourg parler lui-même de ce village et de son enfance. Mais c'est un village normand, vous savez, qui se trouve dans le pays de Caux, en Seine-Maritime donc. Il se trouve à 8 km de la côte, entre Veules-les-Roses et Saint-Valery-en-Caux. Il y a 480 habitants, 481 quand j'y suis en vacances. Non, plutôt 484, puisqu'il y a ma femme et mes deux enfants. C'est un pays de culture. Il y a trois cafés, voyez-vous, trois cafés. Il n'y a pas de restaurant. Il n'y a pas de boulangerie. Ça ne veut pas dire pour ça que les gens meurent de faim, non. Les boulangers, ils habitent un peu plus loin. Il y a une charcuterie. Il y a un marchand de bicyclettes, qui est forgeron en même temps. Je ne suis pas né à Bourville. Je suis né à 7 km de là, à Proto-Vicmar. Mais comme je suis arrivé à Bourville à l'âge de 4 ans, tous mes souvenirs d'enfance sont à Bourville. C'est là que j'étais à l'école. Je connais tous les chemins, tous les petits sentiers. Et chaque arbre est un souvenir. Même quand il y en a un qui n'est plus là, je dis tiens. Hein. Vous savez, quand il y a là-bas, les cours de ferme sont entourés d'arbres pour protéger du vent. Alors j'ai dans la mémoire, vous savez, ce dessin que forme les arbres, l'horizon du pays, je l'ai en tête. Alors c'est pourquoi je suis toujours ému quand je vais là-bas, quoi. C'est magnifique d'entendre Bourville nous raconter comme ça son pays d'enfance. Il cite deux villes toutes proches, hein, Veules-les-Roses et Saint-Valery-en-Caux. Veules-les-Roses compte au nombre des villages du pays de Caux les plus anciens. D'ailleurs, il y a un cimetière mérovingien avec de puissantes tombes mérovingiennes qui prouvent l'importance dans les temps anciens de cet endroit. À partir du XIe siècle, la rivière va servir de ligne de partage entre deux paroisses, Saint-Martin sur la rive gauche, Saint-Nicolas sur la rive droite. Et l'édification de l'église Saint-Nicolas au XIIIe siècle va être très importante pour la ville. Les ruines aujourd'hui de cette église se dressent au-dessus de la mer. C'est absolument splendide. Elle sera rebâtie, cette église, en grès au XVIe siècle. C'est un port également, Veules-les-Roses. Comme dans toute cette région du pays de Caux, les guerres de religion ont été très fortes et très importantes. Ce qui fait qu'on parle de Veules-les-Roses et non plus de Veules-en-Caux, c'était le nom autrefois de la ville, c'est qu'une actrice de la comédie française qu'on a un peu oubliée aujourd'hui, qui était Anaïs Aubert, une femme importante en son temps, au moment de la Restauration et de la Monarchie de Juillet. Anaïs Aubert, qui se trouvait vraiment mal à Paris et qui était en pleine dépression, disons les choses, a retrouvé à Veules la joie de vivre. Et lorsqu'elle est rentrée dans la capitale, elle en a parlé à ses amis qui étaient des hommes de lettres, qui étaient des artistes. Et c'est comme ça que Victor Hugo, que les frères Goncourt, qu'un certain nombre de grands peintres se sont pris de passion pour cette ville qui est devenue Veules-les-Roses le 30 juillet 1897. Alors, bien sûr qu'il y a les chaumières, la vieille église dont je vous parlais, etc. Mais aussi des villas de style balnéaire, bien entendu. Et puis la stèle Victor Hugo, en souvenir des séjours effectués par Totor à Veules chez son ami Paul Meurice. On a également à Veules-les-Roses toutes sortes. Enfin bon, on pourrait s'étendre sur cette ville. Un mot peut-être de Saint-Valery-en-Caux de l'autre côté. Alors là encore une station balnéaire. Quand on parle des plages dans presque toute cette région, ce sont presque partout des plages de galets, hein, il faut bien le dire. Si vous attendez que la mer se retire, et dans la région elle peut se retirer allez très loin, vous allez quand même trouver un peu de sable. Mais si vous vous retournez, vous avez l'extraordinaire muraille de ces falaises de Saint-Valery-en-Caux, tout à fait extraordinaire. Il s'est passé là, et personnellement ça me touche parce que quelqu'un de ma famille a souffert sur cette plage. Le 12 juin 1940 à Saint-Valery-en-Caux, les Britanniques de la 51e division d'infanterie, aux côtés d'un certain nombre de soldats français donc, ont dû capituler face à Rommel. Et je peux vous dire que les Allemands n'ont pas été tendres une fois de plus sur cette plage de Saint-Valery-en-Caux, où ils ont tiré véritablement comme au tir au pigeon. Vous avez un bâtiment traditionnel normand, un bâtiment à colombage qui aujourd'hui abrite l'office de tourisme de Saint-Valery-en-Caux. On appelle ça la maison Henri IV. Ça fait partie de tout ce qu'il y a de beau. Alors, juste à côté, on peut remonter sur la côte jusqu'à Fécamp. C'est ce que nous ferons tout à l'heure. Mais avant ça, je vous propose d'aller faire un tour dans le pays de Caux. Et pour cela, ça tombe bien, nous avons le meilleur des guides. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Avec, comme chaque jour de 15h à 15h30, notre quotidienne balade. Alors aujourd'hui, nous sommes en Pays de Caux, en Normandie, avec à vos côtés... On ne peut pas traiter, parce que je reçois pas mal de messages qui me parlent de Granville, qui parlent, de toute la Normandie. Là, on reste dans le Pays de Caux. C'est très grand, la Normandie. Ouais. Entre les Normandies. De moins en moins. Oui, c'est un peu plus calme, effectivement. Vous êtes avec Thierry Geffrotin, aujourd'hui journaliste Europe 1, et Emmanuel Ducamp, qui est notre guide aujourd'hui, historien de l'art, pour nous faire découvrir ce magnifique Pays de Caux. Et vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux et nous parler de cette Yves Normandie. Yves nous envoie une photo incroyable où on voit des gens en train de faire du paddle, vous savez, devant l'aiguille de la plage d'Étretat, un endroit extraordinaire. On avait fait une émission en direct d'ailleurs à Étretat dans la maison, dans la maison d'Arsène Lupin, en tout cas dans celle de Maurice Leblanc. Et c'était un bon souvenir, il faisait un temps tellement extraordinaire. J'habite Luneray, c'est à 10 km de Bourville, nous dit Christophe. Et je suis toujours en pleurs à chaque fois que j'entends évoquer le décès si injuste de Bourville. J'ai 51 ans, pardon, dit-il, et je suis fan depuis tout petit. Une cauchoise, dit Sylvie, vous salue. Le Pays de Caux, c'est aussi les bords de Seine du côté de Caudebec en Caux. Moi, j'ai passé mon enfance à Villequier, bien connu des amateurs de Victor Hugo. Mais oui, c'est là qu'est morte, évidemment, Léopoldine. Vous avez l'air de triompher quand on parle de Caudebec en Caux, Thierry Geffrotin. Ce sont des souvenirs pour moi, le Normand de la basse Normandie, parce que mes parents nous emmenaient, ma sœur et moi, tous les ans pour voir souffler le mascaret. Expliquez ce que c'est le mascaret. Alors, le mascaret, c'est une vague au moment des marées d'équinoxe qui remontait en Seine très très loin. Maintenant, on a un mini mascaret. Oui, parce que un spectacle. Il fallait voir ça. Une vague de 3 à 4 mètres de qui haut. Qui pouvait provoquer des naufrages sur la Seine, la Seine. Hein. Et ce qui était formidable, c'est de voir, à l'époque, il y avait un bac, notamment à Caudebec ou à Bolbec, on pouvait le voir aussi. Et le bac se mettait au milieu de la Seine. Et on le voyait, il se mettait de telle sorte qu'il se laissait porter par ce mascaret. Voilà, j'ai un peu la nostalgie de ces moments qui n'existent plus. Du pays de Caux, on a un peu l'image d'un pays venteux, battu par la tempête. Et je suis sûr qu'Emmanuel Ducamp va nous dire qu'il y a un microclimat, puisque tous les amoureux d'un pays... La proximité de la mer oblige à la présence d'un microclimat. Mais ce que Bourville disait tout à l'heure est vrai. C'est à cause du vent qu'on construit des maisons au milieu d'espaces qu'on appelle des cours d'ailleurs, et qui sont plantés de hêtres pour se protéger. Et quand vous disiez tout à l'heure qu'il avait à la fois de la simplicité et de la grandeur, j'aimerais le comparer justement au paysage du Pays de Caux la simplicité rurale. Vous avez cette espèce de grande mer de champs d'un côté, et puis de l'autre côté, vous arrivez au bord de la falaise et il y a la grandeur de la mer et de ces paysages assez spectaculaires. Alors il y a un endroit merveilleux, l'épicentre, si je puis dire, de ce Pays de Caux, vous le connaissez par cœur, c'est Varengeville-sur-Mer. C'est vrai, oui, c'est un épicentre qui est assez beau, qui a été célébré par beaucoup, notamment par Monet. Vous savez qu'il a passé là de nombreux séjours dans les années 1880 et 90. Et pour faire ce que Maupassant disait, pour jeter sur la toile à pleine main le soleil et les embruns. Oh mon Dieu, comme c'est bien dit. Et Varengeville est un endroit, c'est vrai, un peu unique parce qu'il y a une église célèbre qui est au bord de la falaise, qui est un ancien prieuré de moines bénédictins et qui a d'ailleurs été agrandi par un homme dont on va peut-être parler tout à l'heure, qui était banquier de François Ier, voilà. L'armateur Jean Angot. Parlons-en tout de suite, parce que vous parlez de l'église, certes, bien sûr, mais le monument, l'un des deux points de visite, c'est le manoir d'Angot. Voilà, en effet, qui est le fruit d'une aventure fantastique de cet homme qui était armateur et qui envoyait des escadres de bateaux aussi bien jusqu'en Amérique du Sud ou en Amérique centrale pour rapporter l'or des Aztèques que en Afrique de l'Ouest où il a fait fonder une colonie qui s'appelait le Petit Dieppe que jusqu'en Inde. Il a accumulé tellement de richesses qu'il a cherché à les traduire. En 1535, François Ier est venu le visiter à Dieppe et a trouvé ça tellement beau qu'il a dit qu'il fallait qu'il en fasse son banquier. Il lui a demandé des bateaux, il lui a demandé de l'argent, qu'il ne lui a d'ailleurs jamais remboursé. Oui, comme d'habitude. Angot a construit, donc à quelques kilomètres de Dieppe, à 9 kilomètres exactement, sur le plateau, un grand manoir, un peu italianisant, la Renaissance n'est pas loin, avec une loggia, ce qui est un peu inattendu justement en pleine Haute-Normandie, et qui est un des beaux bâtiments de cette époque. Qui est ouvert à la visite. Il faut le voir à la tombée du jour. Je parlais du vent, pour peu qu'il vente un peu, c'est un endroit incroyable. Là, c'est très romantique comme lieu. C'est très romantique. Varengeville est très romantique. Oui, d'une façon générale. Varengeville, il y a aussi des épisodes justement de Maurice Leblanc qui se sont passés pas très loin. On sait que Aragon et Breton sont venus au manoir d'Angot. Oui. Parce qu'en fait, Varengeville était très aimé des artistes. Pour une raison un peu, j'allais dire, pragmatique, il y avait un architecte américain qui s'appelait Paul Nelson, qui avait épousé une Normande de Varengeville. Et il a fait venir là tout un tas de gens, des surréalistes. C'est lui qui a fait venir Braque. C'est pour ça que Braque est enterré dans le cimetière marin de Varengeville, parce que Nelson l'a invité et que Braque a acheté une maison avant la guerre, en 1937 ou en 1938, et il y avait un atelier, et c'est là qu'il a passé beaucoup de temps ensuite, jusqu'à sa mort. Vous avez des artistes comme cela, vous avez aussi des artistes, je dirais, paysagers, parce que Varengeville est aussi connu pour ses jardins. Et pour son fameux parc, le Bois des Moutiers. En effet. Qui, longtemps, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je me rappelle, il y a une douze ou quinzaine d'années, on disait que c'était le plus beau jardin de France. Je ne sais pas si c'est le plus beau jardin vous de France. C'est un des plus beaux jardins de Haute-Normandie, ça c'est sûr. Oui. C'est un des plus beaux jardins de rhododendrons et d'azalées de France. Extraordinaire. C'est un parc qui est installé dans un vallon qui descend vers la mer. Magnifique. Avec une maison qui a été construite par un architecte britannique qui s'appelait Edwin Lutyens, entièrement en Angleterre, tout ça transporté jusque sur les côtes normandes et qui est lui aussi ouvert à la visite, qui est un endroit très très romantique. Justement, qui bénéficie peut-être un peu de ce microclimat dont vous parliez, et qui donne à ce village d'ailleurs une espèce d'identité de jardin, parce que il y a le Bois des Moutiers, mais il y a aussi le parc du Vaste Rival qui avait été créé par une grande botaniste qui s'appelait la princesse Tourza. La famille Mallet s'active toujours au devenir du Bois des Moutiers, mais vous avez aussi des paysagistes qui ont créé des choses ici et là, donc on ne perd pas son temps si on aime les jardins. On aura compris que non seulement il y a dans la région le souvenir prégnant de Bourville, mais que s'en aller du Pays de Caux sans avoir visité Varengeville serait une véritable erreur, n'est-ce pas Thierry Geoffroy? Oui, alors j'ajoute un nom d'un auteur qui n'est plus illustre, mais un formidable académicien, c'est Georges de Portoriche. Oui. Également, qu'il faut redécouvrir. Je pense qu'on va à Varengeville et après on lit Georges de Portoriche. Et c'est qu'il l'avait appelé amoureuse. Oui. On va regarder Fortuna et relire Portoriche. Quelle étrange soirée nous préparons-nous. Au cœur de l'histoire. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et c'est une balade dans le pays de Caux que nous propose Franck Ferrand avec ses invités Thierry Geoffrotin et Emmanuel Ducamp. On a un message de fidèles auditeurs Claude, Martin, Madeleine et Jean-Paul qui nous disent d'aller à Flainville voir le four à pain et de ne pas manquer la grande fête du four à pain de Flainville. Voilà, c'est un conseil. Et Antoine nous dit qu'il ne faut surtout pas oublier la perle du pays de Caux. Chacun en a pour pour sa chapelle. C'est Velette-sur-Mer qui est la plus longue plage de la région entre mer, vallée et falaise, nous dit-il. Alors nous allons reprendre la route de côte, hein, je vous rassure. Oui. C'est que la Ferrand Mobile ne connaît que les petites routes. Hein. Bah bien sûr, les plus jolies. Et évidemment, elle évite les autoroutes généralement. On est là en l'occurrence sur la départementale 75 pour aller de Varengeville jusqu'à Dieppe, qui, qu'on le veuille ou non, reste évidemment la ville majeure du coin. Dieppe, ça vient de deep, hein, tout simplement. C'est pour désigner la profondeur des fonds de ce port, qui a été, ne l'oublions pas, un port d'aventuriers. On en parlait il y a un instant avec Emmanuel Ducamp à propos de Jean d'Angot, mais il y en a tant de Jean d'Angot, il y en a tant d'autres. Hein, ces navigateurs qui sont allés sillonner les mers du globe avant de revenir avec leurs richesses dans cette ville de Dieppe qui en a forcément profité, ne serait-ce que son château perché sur la falaise avec cette vue extraordinaire sur tout le front de mer et sur la ville nous donne une idée de la puissance de cette ville. Le château en question, il a été bâti pendant la guerre de Cent Ans. Il est très massif comme ça en silex de grès. Il s'intégrait à l'époque complètement aux fortifications qui aujourd'hui ont très largement disparu. Il a évolué au fil du temps et en 1923 ce château est devenu un musée. Et si je vous en parle, c'est que évidemment il y a des peintures de Renoir et de Pissarro, évidemment il y a des estampes, des sculptures et tout ce que vous voulez, mais il y a surtout, c'est une chose unique au monde, vous savez quand vous faites une découverte que vous ne vous attendez pas à faire, ça vous marque plus particulièrement. Mais là, moi je me rappellerai toute ma vie, la découverte des ce qu'on appelle les ivoires de Dieppe. C'est une série absolument inouïe de pièces d'ivoire sculptées qui viennent d'ailleurs maintenant de toute l'Europe. Il n'y a pas que des ivoires diepois, évidemment, Emmanuel Ducamp. Oui, mais qui étaient en effet faits à partir des défenses d'éléphants qui arrivaient tout droit d'Afrique ou d'ailleurs. Et oui, bien entendu, toujours ce même principe en fait. Hein. Alors, si vous continuez par la route, vous passez auprès d'un autre château qui est le château d'Arc-la-Bataille. Arc-la-Bataille faisant allusion à plus plein de batailles, notamment en 1204 au moment où Philippe Auguste annexe la Normandie. Mais la grande bataille, c'est celle de 1589, celle du panache blanc, celle d'Henri de Navarre, bien sûr, Henri IV. On prend ici la D154, donc, et l'on va depuis Arc, on remonte jusqu'au château de Galville. Vous avez quelque chose à nous dire sur Galville? Oui, parce que c'est tout près, en fait, de chez Bourville. Et je pense que c'est un endroit qu'il aurait aimé. Nous parlions tout à l'heure de jardin. C'est à la fois un château très beau du XVIIe siècle qui appartenait à un aristocrate de la cour à Varengeville, de Versailles. Monsieur de Varengeville. C'était l'ambassadeur de Louis XIV à Venise. Exactement. Et sa fille avait épousé le duc de Villars. Et ce maréchal de Villars dont on a parlé l'autre jour. Ils ont construit cette admirable demeure dans laquelle aujourd'hui il y a non seulement des cours bordées de hêtres, mais un très beau jardin potager notamment. Il est ouvert à la visite. Et il est justement assez typique de ces paysages très variés qu'on a dans le pays de Caux. D'un côté, cette mer fantastique, un peu puissante, et de l'autre, quelque chose de plus calme, mais assez majestueux. J'espère d'ailleurs qu'on continuera de planter toujours des cours de hêtres dans le futur. Il faut le dire, mais oui, il faut le dire parce que les gens n'aiment plus beaucoup les grands arbres qui leur enlèvent le soleil, alors que ce sont eux qui font tiennent le paysage. Mais exactement, et des cultures et du pays de Caux. Alors nous sommes toujours sur notre D149, on va repartir comme ça à une quinzaine de kilomètres, à 14 kilomètres si je ne m'abuse, pour revenir où ? Eh bien évidemment à Bourville. Elle n'avait pas de parents, puisque elle était orpheline, comme elle n'avait pas d'argent. Ce n'était pas une richissime. Elle eut cependant des parents, mais ils ne l'avaient pas reconnue. Si bien que la pauvre enfant, on la surnomma l'inconnue. Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons. Car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous des crayons? Mais reconnaissant l'inconnu, il disait toujours non. Les crayons de Bourville, évidemment. Nous sommes avec Bourville. Oh, à mon avis, il ne va pas nous lâcher aussi facilement que ça.